Le Salon Noir. Ils ont des voitures blanches et rouges, portent des vestes orange et bleu réfléchissantes, spécialistes du sauvetage et du préventif, ce ne sont ni les pompiers ni les démineurs de la protection civile, et pourtant leur rôle est majeur, puisqu'aux quatre coins de la France, les 2000 archéologues de l'INRAP fouillent votre histoire. Deux d'entre eux nous racontent aujourd'hui leur terrain, leurs recherches, leurs découvertes. L'émergence des sociétés complexes, celle de la différenciation sociale il y a 6500 ans, celle enfin de la violence dont les fouilles révèlent les traces. Je me suis donc rendu sur le terrain, en Normandie, à Fleury-sur-Orne, pour rencontrer Cyril Marcigny et Emmanuel Guéquière. Pourquoi les hommes se sont installés il y a environ 6500 ans dans cette plaine de Fleury ? En fait, c'est une plaine qui devait être complètement dénudée, en fait. Pas d'arbres, très peu de végétation. Il nous reste des traces des lambeaux de sol sous les monuments. Et ils ont dû s'installer là parce que les terres ne devaient pas être valables pour faire des cultures céréalières ou pour même installer des habitats. Et quelle est la première implantation de l'homme ici, bien avant 6500 ans ou... A priori, non. Les premières traces qu'on ait, c'est vraiment quand s'installe la nécropole, sans doute autour de 4500 ans avant notre ère, quoi. Eh bien, Guéquière, on est juste devant une structure, on va dire circulaire, mais tout à fait exceptionnelle. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un trou donc, creusé par les populations donc, de cette période, du néolithique. Il fait presque 2 mètres de diamètre et cylindrique, 80 cm de profondeur. Et on en a une rangée comme ça de 25 trous espacés de 10 mètres les uns des autres et bien alignés sur une grande longueur. On pense qu'il devait recevoir des arbres entiers ou des totems ou des stèles, sans doute en bois, hein, pas en pierre dans ce contexte, mais qui devait être un marqueur fort. Un alignement qui devait être bien visible dans le paysage. Cyril Marcigny, on serait sur l'équivalent de Carnac. Carnac serait à la Bretagne, ce que Fleury-sur-Orne serait à la Normandie. La comparaison est un peu forte, mais c'est un alignement de monoxyle, donc qui peut être comparé aux alignements qu'on connaît en Bretagne et dans le golfe du Morbihan, entre autres. Sauf qu'ici, on n'est pas dans un pays de pierre, il n'y a pas de grandes dalles de granit qui affleurent. Donc la seule possibilité pour ces gens-là de créer des stèles, de monter des choses en élévation, c'est de mettre du bois, donc du monoxyle. Ici, c'est particulièrement intéressant, parce que lors de la fouille, le fantôme laissé par le bois montre qu'on a un mode de coupe du bois, qu'on appelle à la culée noire, qui permet de conserver justement des fûts très très longs, très allongés. Donc il y a vraiment cette idée de planter un pieu, un arbre, parce qu'on est vraiment sur des gros diamètres, le plus haut possible, sachant qu'on a un gradient sur l'alignement est-ouest, hein, on va avoir des fosses de plus en plus petites. Il y a une volonté aussi de structurer ces monoxyles pour vouloir dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Est-ce que l'on connaissait déjà des menhirs en bois ? On connaît, oui, on connaît des alignements, d'autres alignements dans d'autres secteurs de menhirs en bois, pour faire simple. On en connaît dans la région centre, dans des contextes aussi qui associent du funéraire et des zones de foyer. Donc c'est des choses qu'on connaît, mais il y a très très peu de sites en France. On en connaît aussi en Angleterre, il y a des alignements comme ça qu'on peut suivre sur presque un kilomètre dans certains secteurs, associés aussi avec du funéraire. Donc voilà, il y a toujours cette idée récurrente de ces alignements de pieux en lien avec des monuments funéraires. Et curieusement, puisque nous sommes aujourd'hui à l'instant là, à une extrémité de l'alignement, le trou est absolument gigantesque et petit à petit les trous diminuent. Comment expliquez-vous cela ? C'est sûrement une volonté de créer un ensemble avec une lecture en fait de la construction. Donc des trous profonds pour des grands pieux, des trous moins profonds pour des pieux sûrement moins hauts. Ça a deux avantages. Si on se met du côté des petits pieux, on a l'impression que ceux du fond sont démesurément grands. Et si on se place du côté des grands pieux, on a l'impression que les petits pieux sont aussi grands que les grands pieux et on a un alignement qui est parfaitement respecté avec des pieux de même taille. Une sorte de phénomène optique. C'est, à mon avis, c'est ça qui est recherché, oui. Alors, l'important, Emmanuel Gacquer, c'est bien sûr ces monuments, ces alignements. C'est surtout une gigantesque nécropole. C'est surtout une grande nécropole, oui. Et le fait est qu'elle s'étend sur 25 hectares, ici, ne suffit pas, en fait, à l'expliquer. Le côté exceptionnel, surtout, c'est qu'on a des petits monuments d'une dizaine, d'une vingtaine de mètres de longueur. Et on a aussi des monuments géants qui font 160 jusqu'à 350 mètres de longueur et qui sont constitués de deux fossés parallèles ou un peu divergents et qui accueillent chacun une seule tombe. Donc l'ensemble de fossés et la tombe constituent pour nous le monument, avec sans doute un tertre qui devait recouvrir partiellement ou totalement ces architectures. Et on est sur les premiers grands monuments funéraires du Néolithique. Oui, on est incontestablement dans des monuments qui ont quelques centaines d'années de plus que les premiers mégalithes ou cairns type Barnenèse, en fait, qui sont aussi des monuments très allongés. Et on est plutôt dans la période des tumulus carnassiens ou un peu avant, avec des architectures en terre qui sont aussi monumentales, mais qui sont différentes dans la façon de les construire et dans l'architecture. Alors des grands monuments, il en existe aussi dans d'autres cultures, des monuments un petit peu différents mais qui sont presque contemporains. Je pense à ces grandes enceintes à vocation religieuse d'une culture au nom peut-être un petit peu bizarre, le Michelsberg. C'est bien ça, on serait à peu près contemporain de ça, ou du moins c'est le même phénomène des grands bâtiments. On est dans la même mouvance, quelque chose qui commence à apparaître à l'extrême fin du néolithique ancien, autour de 4008, et qui va se poursuivre sur presque un millénaire, où on va voir les gens du néolithique s'accaparer le paysage et construire de manière monumentale. On va faire des grandes enceintes, on en a fouillé une tout près ici à Fontenay-l'Armillon qui fait plusieurs hectares. On va construire des longs monuments pour une personne, donc un mouvement complètement nouveau, qui apparaît durant ce début de cinquième millénaire, hein, qui montre une nouvelle forme de hiérarchisation sociale, une plus forte complexification, quelque chose qui n'existait pas auparavant au cours du néolithique ancien. En tout cas, pour reprendre un mot de Maurice Godelier, on est dans la manipulation de l'imaginaire au sein du paysage. On est totalement dans cette idée-là. On utilise le paysage pour l'utiliser comme un véritable géosymbole du groupe. On se l'accapare, on se le construit, on imagine une nouvelle architecture paysagère. Et c'est vraiment cette idée qui signe le néolithique moyen. On a une plus forte emprise sur le territoire et sur le paysage. Emmanuel Gacquer, vous en avez combien de ces très longs bâtiments funéraires monumentaux ici? J'en ai à peu près 25 pour ce que j'ai décapé pour l'instant, parce qu'il y a encore une zone qui reste à couvrir. Ça fait beaucoup. C'est surtout l'espace inclus dans cette vaste nécropole qui est intéressant. Comme disait Cyril, on a vraiment une modification de l'espace ici et du paysage qui est très importante et qui va demeurer sur un temps très long. Et ils s'organisent les uns par rapport aux autres ? Ils s'organisent les uns par rapport aux autres. Ils sont disposés en faisceau, en fait. Avec, à l'extrémité ouest, on a un monument. Ils vont s'espacer tout en restant dirigés est-ouest dans leur globalité. Ils vont se partager un cadran en fait, du territoire pour être répartis globalement dans un grand triangle, un très grand triangle. Alors nous voici à peu près au pied du monument, c'est ça ? Là, on est au pied du monument. Alors on a la chance sur ce monument-là qu'il ait été fossilisé en fait par un chemin qui s'installe sans doute à l'époque romaine, peut-être un peu avant, mais au moins à l'époque romaine. Et le chemin, en s'installant là, le chemin n'a pas bougé depuis, hein. Ça fait 2000 ans qu'il est utilisé. Il a fossilisé un monument. Ça veut dire que le chemin s'est installé sur le tertre qui composait le monument, et ainsi que sur les fossés, et il a permis la préservation. Donc on voit bien ce tertre, il fait 70 mètres de longueur sur à peu près une vingtaine de mètres de largeur. Et il est construit en pierre et en terre. Et il a même la particularité d'avoir ses côtés, en fait, ses murs, ses parements, de côté construits en mode de gazon. C'est-à-dire oui. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de terre sur toute la plaine, ils ont prélevé des carrés ou des tapis en fait, qu'ils ont roulés de gazon et ils les ont empilés pour créer des parois. Ce qui devait constituer, à l'époque, en fait, un monument qui devait faire à peu près 2 mètres de hauteur, peut-être, et qui était sans doute tout engazonné parce que c'est couvert de terre avec de l'herbe dedans. Alors, ils ont une technique, ils font des sortes de caissons donc en mode de gazon qu'ils remplissent de matériaux ensuite ? C'est ça. Avec les modes de gazon, en fait, ils délimitent des murs qui ceinturent tout le monument, suivant la forme qu'ils veulent lui donner. Et à l'intérieur, ils remettent des parois en mode de gazon, ce qui permet de délimiter des espaces qui seront ensuite remplis. Peut-être que chaque espace sera attribué à une famille, par exemple, et qui la remplira avec le matériau qu'il apportera, soit des modes de gazon qu'il prélèvera alentour, soit de la pierre qu'il tirera des fossés latéraux du monument, soit de la terre qu'il sera allé chercher un petit peu plus loin. Alors c'est un travail gigantesque qui concerne, je dirais, l'ensemble du village. On doit mobiliser tout le monde pour faire un monument comme ça ? Oui, ce monument est particulièrement grand, mais on pense qu'évidemment pour le construire, il faut une communauté de plusieurs dizaines d'individus et qui travaillent pendant des mortes saisons agricoles ou en tout cas pendant un temps relativement long. Ça représente peut-être 2 ou 3 mois de travail pour une communauté de 30 à 50 personnes. Ça, c'est vraisemblable. Il y a combien de personnes dans la tombe ? Normalement, le monument abrite une seule tombe, mais une seule personne. Cyril Martini, c'est le début de la hiérarchie sociale, ça, d'une seule personne dans une tombe monumentale et pour laquelle tout le monde travaille ? En effet, c'est vraiment le début des ennuis, en fait, pour faire simple. À partir de cette phase, ce début de 5e millénaire, on va voir apparaître des individus avec un statut particulier. La communauté se greffe autour, lui accorde un pouvoir sur des critères qu'on a du mal encore à déterminer. Mais voilà, on a l'émergence d'individus particuliers, d'une première forme d'élite, si on veut, pour faire simple, hein, qui vont prendre le pouvoir. C'est des gens qu'on va pouvoir suivre à la fois dans les enceintes, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi dans le monde des morts, à travers ces grands monuments. En fait, pour l'instant aussi, dans ce type de monument, on n'a pas beaucoup d'enfants. On a surtout des adultes. Donc on peut penser que si la hiérarchisation apparaît bien, parce qu'il y a effectivement des tombes, on est plutôt dans un système de big men anglo-saxon qui fait en sorte que la hiérarchie n'est peut-être pas encore héréditaire. Ça, c'est un point important qui va vraiment marquer un changement très important dans les sociétés pré- et proto-historiques. C'est-à-dire que le chef a un pouvoir qui n'est pas acquis, il le conquiert et ses enfants n'en hériteront pas. C'est le principe et c'est ce que pourraient nous enseigner les tombes d'archers, donc de guerriers en même temps ou de grands chasseurs que l'on a dans la nécropole. Alors, les individus, et vous en avez, j'imagine, assez peu, puisque vous avez 25 monuments, mais donc ça fait quand même peu d'échantillons, si à chaque fois il y en a un. Comment sont-ils dans les tombes ? Allongés, sur le dos On a effectivement à peu près 25 monuments. Mais ça serait trop facile si chaque monument avait sa tombe. Il y a sans doute beaucoup de tombes qui étaient situées hors sol, en fait, et qu'on ne retrouve pas parce que les terrains ont été labourés, donc rasés et effacés toutes les traces des sépultures depuis longtemps. Mais ceux qu'on retrouve ont une position particulière. Les plus typiques, on pourrait dire, sont les épaules au sol et ont les jambes repliées en chien de fusil. On a aussi des individus qui sont complètement en chien de fusil, posés sur le côté. D'autres sont dans des positions un petit peu plus originales, avec les jambes un petit peu redressées contre une paroi. Ça, c'est les différentes formes que peuvent prendre la position des individus. Après, on a 4 tombes ici qui sont un peu plus monumentales sur le site. Pour l'instant, on n'en a que 4, qui sont des hommes accompagnés d'un carquois de pointe de flèche et de plusieurs moutons qui ont été tués et non consommés, déposés entiers dans les tombes. Certaines tombes présentent 3-4 moutons, une autre tombe présente 7 moutons, et la tombe la plus riche possède 15 moutons dans son remplissage. Donc ce sont des éleveurs ? Ce sont des éleveurs, incontestablement. Est-ce que ça peut être aussi des chasseurs ? Ah, les points de flèche nous suggèrent qu'il s'agit de chasseurs et qu'il devait être assez au fait de ces choses-là, quoi, qu'il devait bien savoir s'en servir. Et qui dit chasseur dit évidemment éventuellement guerrier aussi, les deux allant sans doute de pair. On peut penser qu'il y a une forte valorisation de la chasse durant ce néolithique moyen, il y a environ 6500 ans, Cyril Marcilly ? Sur un site comme celui-ci, oui, c'est l'impression qui ressort. Ces gens, parmi leurs attributs, il y a le carquois, il y a les pointes de flèche, il y a l'arc, peut-être. Donc voilà, la chasse est survalorisée, mais ce n'est pas un phénomène qu'on retrouve dans tous les monuments de cette époque-là. C'est assez particulier ici. Il y a aussi quelques armes tout à fait particulières, des sortes de grands pics. Il y a une tombe qui est peut-être un petit peu postérieure, mais toujours dans le néolithique moyen ou récent. Cette tombe présente une hache polie, qui était a priori emmanchée. Un grand poinçon, qui est sans doute en bois de serre, qui est très massif aussi, qui peut servir de poignard. Et un grand pic en bois de serre, perforé, qui lui, emmanché, avec une extrémité qui est très pointue, qui servait probablement d'armes de chasseur ou d'armes de guerrier, ça sans aucun contexte. Cyril Marcilly, vous avez fouillé des puits de silex, parce que le silex, eh bien, il faut bien le chercher là où il est bon, et c'est quelquefois sous terre. Vous avez notamment fouillé des minières à riz, j'ai souvenir de ça. Ces mines, le matériau est extrait avec des pics. On ne serait pas sur un pic de mineur ? Non, c'est pas, bon, pour la minière de silex de riz, un tout petit peu plus récent, donc l'outillage pourrait être différent. Mais les pics découverts ont une facture, une typologie complètement différente de celui qui a été mis au jour par Emmanuel sur cette fameuse tombe. On est vraiment dans autre chose, hein, dans un outil très très effilé, perforé, ce qui est jamais le cas pour ce qui est de la minière de riz. Donc c'est probablement autre chose qu'un pic. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. En tout cas, pour rester deux minutes sur les minières de riz, on est déjà dans une sorte de phénomène pré-industriel des néolithiques. Oui. Donc les minières, c'est aussi une des composantes de la plaine de Caen et de la région, plutôt de la partie sud de la plaine de Caen. On a énormément de minières de silex. Donc celle de riz qui a été fouillée il y a quelques années et à la fin de la séquence chronologique qu'on rencontre ici. Par contre, depuis, on a d'autres minières qui ont été étudiées, qui sont à peu près synchrones de ce qui existe ici. Hein. Et ça participe toujours du même mouvement avec les enceintes, avec le monumentalisme funéraire. C'est encore une empreinte forte sur le paysage, le territoire, hein, à travers ces espèces d'usines à ciel ouvert, hein, que forment les mines de silex de la plaine de Caen. Emmanuel Guéquière, des pointes de flèche, des pics, est-ce que vous avez d'autres objets, même peut-être quelques objets curieux ou exotiques dans ces tombes ? On a quelques objets, on retrouve un petit peu de silex quand même taillé, qui ont pu avoir différentes formes, différents usages. On a même pensé qu'il s'agissait des silex qui avaient servi à égorger les moutons. C'est quand même la méthode la plus facile de les tuer, hein, à l'époque. On a aussi un briquet en silex avec son pendant en minerai de fer. Et ça, c'est intéressant, surtout que les deux pièces étaient rassemblées, probablement contenues dans une bourse. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça comme attribut de guerrier également. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que ces monuments sont réalisés. Un chemin donc romain, ou peut-être un petit peu avant, permet d'en fossiliser un très bien, ce qui nous permet de voir comment son tertre était préservé, puisqu'en général, ils ont totalement disparu. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce côté nécropole perdure par la suite. On est dans la fossilisation du territoire. Oui, c'est un espace qu'on connaît depuis longtemps. Il y a des fouilles depuis les années 90. Hein, les premières ont été initiées par Jean Desloges. Puis ensuite, il y a eu plusieurs diagnostics archéologiques menés par David Flotté. Et on sait que dans le même secteur, à quelques centaines de mètres, on va avoir une petite nécropole de 5-6 monuments, des tombes à couloirs du Néolithique moyen 2 cette fois-ci, donc un peu plus récente, hein, de quelques centaines d'années, qui vont s'implanter. Donc on a le lieu funéraire est préservé au Néolithique moyen 2. Puis après, on va trouver des monuments de l'âge du bronze. On a un paysage funéraire qui va rester fossilisé sur plusieurs milliers d'années, hein. et qui ne va pas connaître d'autres occupations par la suite. On est dans un secteur où il y a énormément de fermes indigènes, ces fameuses fermes gauloises de la littérature archéologique. On a énormément de sites romains partout autour, mais il n'y en a pas sur le site même de Fleury. Jean Desloges, en son temps, avait qualifié le territoire de territoire des morts, mais l'idée est assez bonne. On a vraiment ce que les Allemands appellent un paysage funéraire, une zone réservée aux funéraires et à que ça. Probablement en lien avec ce qu'évoquait Manuel Guéquière en introduction, à ces sols minces qui sont assez impropres à l'agriculture et donc valait mieux mettre des morts sur des terrains qui n'étaient pas tellement utilisables pour autre chose. Manuel Guéquière, vous me parliez de la chasse et de ces pointes de flèche. On peut réellement y voir déjà quelques guerriers ? C'est une évidence. Après, que ce soit des guerriers qui soient aussi pasteurs parce qu'ils ont des moutons, qu'il soit chasseur, même si ça se ressent assez peu dans les témoins alimentaires qu'il livre, il est évident qu'une des tombes la plus riche a livré 25 pointes de flèche. C'est un attribut qui me semble trop important pour un chasseur lambda et qui pourrait plus appartenir à des personnes qui pratiquent la chasse à l'homme, quoi. Cyril Marcini, la guerre, elle est déjà bien attestée, ou du moins le conflit est déjà bien attesté durant cette période. Oui, on a d'autres faits de violence au cours du néolithique moyen. Moi, je n'irai pas jusqu'à l'hypothèse de Manu de dire qu'on a affaire à des guerriers sur Fleury. J'en sais rien sur le fond. Par contre, on sait que c'est une période où il se passe plein de choses. Il y a des phénomènes de violence sur certaines enceintes. On a des tombes de crimes de masse qui existent. On en connaît en Allemagne, par exemple. Donc il se passe des choses. Après, c'est des découvertes qui sont encore un peu trop rares pour associer tout ça à un phénomène de violence à large échelle au cours du néolithique moyen. Mais oui, c'est une période où il doit y avoir des crises qui se font jour. Sûrement à mettre en parallèle avec ces fameuses élites qui commencent à prendre le pouvoir. Ça ne se fait jamais facilement, ces choses-là. Emmanuel Guéquière, est-ce que vous auriez au moins, pour étayer vos propos, un individu mort de quelques fléchages ? Il y a deux cas ici qui sont, disons, douteux. On a dans la tombe qui recèle le plus de moutons et où l'homme a aussi le plus de pointes de flèche, on a une pointe de flèche, une armature tranchante, ce qu'on appelle, ça veut dire que c'est pas une pointe, c'est un tranchant qui perfore. Et on a donc une pointe qui semble fichée dans le bassin de l'individu. Le bassin a été consolidé et parti au laboratoire pour une fouille fine. Donc on n'a pas encore de réponse définitive. Et dans une autre tombe, on a aussi une pointe de flèche qui ne ressemble pas aux autres, qui pourrait être d'une autre, donc appartenir à une autre culture, à des gens différents, avec lesquels il aurait pu y avoir conflit, et qui est, elle, au niveau des parties molles de l'abdomen de l'individu, donc qui n'est pas fichée dans un os, sur lequel on ne peut avoir aucune certitude, mais dans la sépulture n'est pas forcément tout à fait classique. Donc des traces, des indices, pour l'instant, mais qui ne sont pas encore des certitudes, dans l'état actuel de l'étude, en tout cas. Emmanuel Guéquière, la guerre, vous la palpez quand même sur votre chantier archéologique. Une guerre très récente. Ah, ça, je la palpe de manière très sensible, parce que autant j'ai 25 monuments néolithiques, et autant les structures de la Seconde Guerre mondiale, j'en ai par dizaines, voire par centaines sur la surface décapée. Et de multiples formes. Et est-ce qu'ils sont venus miter justement ces vestiges néolithiques, les réutiliser ? Non. On ne peut pas parler de réutilisation. C'est clair que j'ai quelques fossés des monuments néolithiques qui sont recoupés par des trous d'hommes de la Seconde Guerre. Mais en règle générale, les deux sont plutôt séparés dans l'espace. La surface est suffisamment grande pour que les deux se différencient bien. Cyril Marcini, qu'est-ce qu'il s'est passé à Fleury ? À Fleury, il s'est passé beaucoup de choses pendant les événements de l'été 44. Et la fouille en cours, pour cela, est très intéressante, parce qu'elle recoupe plusieurs éléments. D'abord, on a une occupation allemande, qui est du mur de l'Atlantique, qui appartient à ce dispositif-là. Puis après le débarquement, on va avoir un camp canadien qui va s'implanter sur le site. Et on a tous ces éléments qui se retrouvent sur les 25 hectares de la fouille et qui nous permettent non pas de raconter l'histoire qui est assez bien connue, mais de l'illustrer de façon pertinente avec les vestiges archéologiques. Chacune de ces fosses livre des matériels du quotidien de ces soldats. Certains baraquements ont été réutilisés, on trouve des petits braseros à l'intérieur. Enfin, voilà. On illustre une autre histoire du débarquement ici, sur un site qui a un intérêt fort, puisqu'on est aussi à proximité des carrières refuges. de Fleury-sur-Orne, hein, qui ont servi à la population civile de Caen, qui s'est abritée sous le site fouillé actuellement par Emmanuel Guéquer. Emmanuel, vous venez de fouiller une structure allemande très belle, une structure visiblement de DCA. Oui, c'est ça. On a une tranchée en fait qui dessine un carré dans le sol de 4 mètres sur 4 avec des trous de piquet autour et qui correspond vraisemblablement à l'assise d'un canon de DCA allemande installé dans le contexte du mur de l'Atlantique. Et les piquets autour servant sans doute à fixer une armature de camouflage. Cyril Marcini, le régiment canadien qui s'est installé là a été quasi un régiment martyr. Oui, c'est le régiment des Black Watch qui est passé à Fleury-sur-Orne, hein, qui est monté ensuite sur la côte de Bourguébu, donc qui était un lieu de combat assez proche, hein, de Fleury-sur-Orne, hein, et qui a été quasiment décimé à la fois sur la crête de Bourguébu et sur la crête de Verrières. Quelques rescapés uniquement ? Oui, il y a une poignée de rescapés. Hein. Donc c'est vraiment un triste moment de l'histoire des Alliés. Et est-ce que vous avez de l'installation militaire ? Est-ce que l'on peut imaginer ce terrain-là comme avec des canons et autres types de structures du temps des Canadiens ? Du camp des Canadiens, non. C'est vraiment un camp de repos, comme l'a dit Emmanuel. On a des baraquements, hein, des lieux de vie des soldats, des petits baraquements abritant peut-être 3-4 personnes. On aura peut-être une zone à la fin de la fouille où on risque d'avoir un peu plus d'éléments liés au combat sur ce qui va devenir après un camp de prisonniers. Ce camp de prisonniers, Emmanuel Guéquer, vous allez le tester, vous avez commencé, vous allez le décaper. Vous avez aujourd'hui ou hier commencé cette opération. Vous avez quand même fait quelques tests, j'imagine, au préalable. À quoi peut-on s'attendre ? En fait, ça consiste en... On a aussi des photos aériennes qui nous permettent de voir qu'on est sur un secteur qui est occupé par des grands baraquements qui étaient a priori réservés à des militaires, donc peut-être allemands dans un premier temps, alliés par la suite, qui ont récupéré le camp. Et ces baraquements, en fait, au sol, nous, ce qu'on retrouve, c'est les plots de béton sur lesquels étaient installés les baraquements et des petites tranchées, en fait, très minces qui servent au drainage, en fait, entre les bâtiments. Et qui, là, eux, sont remplis de beaucoup de poubelles, de déchets de cette période-là et qui nous intéressent particulièrement à étudier. Oui. Pourquoi c'est intéressant d'étudier ce mobilier que vous sortez donc de 1944 ? C'est celui que l'on trouve au puce. Oui. L'intérêt, c'est qu'à travers ces boîtes de conserve, ce matériel rouillé, on a une lecture de la vie quotidienne dans le camp. Et cette vie quotidienne, elle est bien sûr illustrée. Il y a des journaux, il y a des photos. Mais là, on a vraiment un élément palpable. C'est là que peut jouer l'archéologie au sens plein. Hein. C'est qu'on va avoir donc le matériel métallique. Qui va nous permettre de renseigner la vie quotidienne, mais aussi les éléments osseux, par exemple. On va savoir ce qui a été consommé par ces soldats. Voilà, et différents éléments qui vont venir comme ça renseigner une petite histoire du débarquement, mais qui est particulièrement intéressante et tout à fait sensible cette année. Est-ce que ce n'est pas étonnant, quand on est archéologue néolithicien ou spécialiste de l'âge du bronze, de s'intéresser aussi et en parallèle à une période aussi récente que le débarquement et la Deuxième Guerre mondiale ? Quand on fait du néolithique et de la préhistoire, on est brimé toute sa vie parce qu'on n'arrive pas à interpréter les vestiges qu'on trouve. Là, c'est beaucoup plus simple. Emmanuel Guéquer ? Je dirais la même chose, c'est une très bonne définition. C'est très bien, beaucoup de mobilier de cette période-là. Et il faut voir aussi que le mobilier qu'on trouve de cette période-là, souvent en fer, est déjà en état de déliquescence assez important. Et donc, si on n'intervient pas maintenant, nous, dans les premières dizaines d'années ou dans le premier siècle de leur présence, après ils ont totalement disparu pour les générations futures, ça c'est sûr. Je signale qu'un colloque international sur le thème « Archéologie de la violence, violence de guerre, violence de masse » se tiendra du 2 au 4 octobre au musée du Louvre-Lens. La semaine prochaine, place à l'Afrique du Sud et à nos très très lointains ancêtres.